et donc de nous avoir mis directement en contact avec ce qui se passait à côté de cette sortie, puisqu'elle se termine par une cloison qui est juste des barreaux, et donc on voyait à travers ces barreaux et on entendait qu'il y avait quelque chose de particulier, notamment on entendait des cris très stridents d'une dame qui était en train d'être interpellée. Donc quand on l'a vu, c'est une dame qui devait avoir 45 ans, qui était une dame noire qui avait les menottes et qui criait parce qu'elle criait de douleur à cause des menottes, quoi. Donc le réflexe que j'ai eu, qui est je crois un réflexe qui est relativement banal, parce que y compris on vit à un moment où c'est pas la première scène de violence qu'on peut constater et que on est passé par l'assassinat d'Adama Traoré cet été, on est passé par le printemps et les manifestations contre la loi travail, donc je crois que c'est un réflexe citoyen très ancré maintenant de filmer, donc j'ai fait ça tout simplement. C'est quelque chose qui par ailleurs est entièrement légal. Je me suis retrouvé directement nez à nez à travers les barreaux avec un agent de police qui me disait que j'avais pas le droit de filmer. Quand j'ai contesté ça, il m'a dit « Oui, vous avez le droit, mais pas dans l'enceinte de la gare, donc vous sortez. » Ce que j'ai fait, je suis sorti et j'ai rallumé à nouveau mon téléphone portable. Bon, je peux annoncer qu'on a à l'instant réussi à remettre la main sur les vidéos parce que effacer dans le téléphone portable ne permet pas d'effacer définitivement sur un disque dur, donc on pourra les montrer. Filmant à nouveau ce qui se passait, les habitants qui demandaient ce qui arrivait, cette dame qui criait, tout d'un coup, en fait, j'ai été attrapé par l'épaule gauche et on m'a dit qu'on allait faire un contrôle d'identité. Donc, ils ont attrapé mon téléphone portable, à un moment donné on le tenait en fait, c'était très rapide. On m'a imposé d'arrêter la vidéo que j'étais en train de faire, et donc on passe dans ce qui est hors champ par rapport à la vidéo que je faisais. Et ce qui est hors champ, c'est que on m'a attrapé les deux bras et on m'a pris mon téléphone portable. Moi je disais qu'il fallait un mandat de perquisition pour regarder à l'intérieur d'un téléphone portable, ça n'a pas été entendu. Je me suis retrouvé avec les deux bras pliés dans le dos quand je disais que ça me faisait très mal, la torsion était augmentée jusqu'à ce qu'à un moment j'ai plus le souffle et puis je me décourage en me disant qu'il valait mieux rien dire. Donc, j'ai été plaqué contre la porte qui est contre le mur d'un bâtiment qui longe la gare, repoussé à plusieurs reprises, et je me suis retrouvé finalement définitivement coincé avec le visage de profil, coincé contre cette porte. Coincé contre cette porte, ça veut dire obligé d'écouter ce qui était en train de m'être crié par le policier, notamment celui qui était à ma gauche, mais j'en avais un autre à ma droite, qui m'a dit d'emblée que j'avais voulu jouer avec la police et que maintenant on allait jouer avec moi. On peut pas mettre de guillemets quand on parle, mais c'est des éléments que j'ai mis entre guillemets dans le témoignage que j'ai écrit. Que j'étais un PD, qu'on allait me tuer, qu'on allait me crever là dans les 10 minutes. Il a placé sa main sur ma fesse gauche, ce que je préfère raconter, je suis désolé que ça soit un peu choquant, mais je pense que mon devoir c'est aussi d'expliquer ce qui s'est passé, en me disant qu'il allait me violer, que je verrai comme ça si on peut continuer de jouer et à filmer à la police. Pardon. Ensuite, il y a eu tout un passage où on me parlait de l'État islamique. Donc en me disant que quand Daesh viendrait, qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais me masturber ou les sucer? Je suis désolé encore, je cite. En réalité, ce que j'avais fait en dernière instance était une manière de collaborer avec Daesh. On ne sait pas pourquoi, sauf si on cherche à analyser certaines psychologies qui voudraient que, pour un contrôle qui visiblement se faisait parce que la dame n'avait pas de ticket, on était dans une situation qui, ne pas avoir de ticket et être racisé serait situé dans la prémisse de l'attentat terroriste. Donc on voit les amalgames, et moi qui viens qui filme, je me retrouve à collaborer avec Daesh, on ne sait pas pourquoi. Ce policier sur ma gauche donnait des coups de pied dans la cheville et des coups de genou dans la cuisse gauche. Ils ont commencé à me fouiller. Une anecdote qui montre le niveau de la scène, c'est que, trouvant mes cigarettes, ils m'ont dit que je pouvais m'asseoir dessus. Donc, en réalité, ils ont pris mon paquet de cigarettes. Et puis, ils ont découvert dans mon portefeuille ma carte professionnelle d'enseignant à Paris 1. Et ils m'ont demandé si j'étais prof, en me disant que j'étais un sale PD, un sale gauchiste. Donc on voit la manière de considérer aussi le fait d'être prof avec une espèce comment dire, de haine qui s'est développée spécifiquement contre le métier universitaire. Je pense que c'est quelque chose à noter aussi. Et en me demandant ce qu'on allait faire quand l'État islamique viendrait à la Sorbonne et si on allait les regarder en nous masturbant. Ils ont ensuite dit que, de toute façon, qu'ils allaient venir à la Sorbonne et nous exterminer, moi et mes collègues, ce que j'ai mis aussi dans le témoignage. Et puis, ils ont trouvé, à travers ma carte d'électeur, mon adresse. J'habite dans un immeuble qui est pas très loin de la gare. Et donc, ils l'ont montré en disant, t'habites là-bas. Et en me disant, regarde-moi, sale PD, on va venir chez toi, on met une cagoule, et on va venir chez toi te violer. On me disait, est-ce que tu crois que t'es protégé parce que c'est la police? Il faut pas te faire d'illusions, quoi. D'échange de marchandises, mais également de permettre la libre circulation des hommes. Des hommes, ça c'est très important. Paris a reçu avec M. Spaak et ses collègues ministres des Affaires étrangères les cinq chefs des gouvernements invités de M. Guy Mollet qui sont appelés à former la première Europe des temps modernes. L'Euratom et le marché commun seront, comme on le sait, les premières bases de cette construction européenne dont le principe est maintenant affirmé. Bien souvent, on imagine la construction européenne comme un processus animé par des gens généreux qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, auraient voulu créer un cadre consensuel entre les nations européennes, un cadre dans lequel on aurait oublié les égoïsmes nationaux et dans lequel on formerait une communauté soudée de destin et de culture. Alors derrière ce grand projet, on renvoie en général un certain nombre de figures, que ce soit Jean Monnet, Robert Schuman, que ce soit Paul-Henri Spaak, ou un certain nombre d'autres acteurs importants, et souvent en oubliant que ce qui les a animés n'a pas forcément été uniquement des idéaux pacifistes et humanistes, mais aussi des enjeux géostratégiques importants, des enjeux qui sont ceux de la guerre froide, et aussi des intérêts économiques qui visaient à reconstruire un marché européen. L'Assemblée nationale a mis à son ordre du jour l'idée d'un marché commun européen. La question se pose ainsi. Aujourd'hui, l'Europe, dans son compartimentage actuel, n'est plus à l'échelle du monde. Si les murailles de ces marchés nationaux viennent à tomber, elle devient un grand marché de 160 millions de clients. Mais aujourd'hui, où les poteaux frontières font toujours souvenir du traité de Westphalie, l'Europe des longs routiers vit encore comme voici 300 ans vivait la France des mousquetaires et des provinces. À cette époque, le commerce entre Dijon et Reims était aussi coupé de barrières, de douanes, d'octrois et d'interdictions qu'il l'est aujourd'hui entre Lille et Amsterdam ou entre Lyon et Hambourg. C'est pas seulement quelques compagnies industrielles, mais c'est des groupes financiers qui sont déjà des trusts dans différents pays respectifs de l'Europe qui sont à l'origine de ce projet. Donc vous avez toute une série de réseaux qui ont amené à l'Europe. Paul-Henri Spaak est parmi d'autres figures importantes de l'histoire européenne, un qui est inscrit au cœur de ces réseaux, qui est un homme fort du Parti socialiste, mais avec un ancrage européen, très proche des milieux d'affaires, notamment par son héritage familial, très proche aussi des intérêts américains. Qui sont les instigateurs du traité de Rome? Jean Monnet, commissaire général au plan au sortir de la Seconde Guerre mondiale, puis président de la haute autorité de la CECA. Il doit sa fortune au trafic d'alcool aux USA pendant la Prohibition. Il a coprésidé la Banque America Blair avant de s'associer au groupe Lazare. Paul-Henri Spaak, ancien Premier ministre belge et président de l'Assemblée commune européenne, il deviendra secrétaire général de l'OTAN 2 mois après la signature du traité. Puis administrateur du groupe ITT, spécialisé dans l'armement et les télécommunications. Et voilà, donc on a des personnalités dont on a souvent un discours autour qui est un discours très généreux en termes de valeur, de morale, de père fondateur. Et probablement que ces personnalités ont été aussi évidemment touchées par la guerre avec une volonté de faire une Europe en imaginant que cette Europe pourrait être un rempart contre la guerre. Mais au départ, il y a d'abord et avant tout des intérêts économiques et toute une série de personnalités qui défendent presque systématiquement d'abord leur bourgeoisie nationale, avec pour certains d'entre eux aussi des liens privilégiés du côté des réseaux atlantiques. Nous sommes aujourd'hui en train de construire une Europe technocratique, une Europe qui est coupée de la volonté des peuples. Vous savez de Maastricht ? Moi, c'est une montagne. Hein. Où ça, à votre avis ? En Autriche ? C'est pas Master de Paris, non ? Hein ? Master de Paris ? Trois quarts des Français ne connaissent pas Maastricht ou ne savent pas ce qui va y être débattu. Le sondage IFOP Le Parisien de ce matin est formel. Et pourtant, c'est à Maastricht, en Hollande, dans moins d'une semaine, que les 12, moins la Grande-Bretagne, prendront la décision d'une monnaie européenne unique avant l'an 2000. Est-ce déjà la fin du franc ? En tout cas, dans moins de 10 ans, on devrait pouvoir payer ses achats en écus. Les gens qui vont le plus pousser dans le sens de la monnaie unique, ce sont les participants de la table ronde des industriels, les round table industrialistes, qui sont en fait les représentants de très grosses sociétés, et de très grosses sociétés qui sont pour de bon des multinationales. Donc ce qu'elles cherchent, elles, à construire, ce sont des marchés à la taille de l'Europe, et ce qu'elles cherchent avant tout à diminuer, c'est les coûts de transaction qu'elles peuvent avoir dans tous les échanges qu'elles créent dans le marché européen. Que font les lobbies ? Ils sont 4000 hommes et femmes. Ils sont là pour suivre et influencer les décisions de la Commission, le Conseil et le Parlement. Et cela dans tous les domaines, industrie, agriculture, finance. Ils se rencontrent discrètement dans les bons restaurants de la ville. À Washington, les lobbies sont très surveillés. Pas ici. La table ronde des industriels européennes, regroupant une trentaine de grands patrons de l'industrie, est l'une des forces majeures derrière le marché unique. Ils ont été à l'avant-garde du soutien de mon idée. Pour une raison simple, c'est qu'ils étaient l'infanterie de la guerre économique mondiale. Il faut rappeler que la table ronde des industriels européens, qui est créée au début des années 80, est créée à l'initiative politique de deux commissaires européens, François-Xavier Ortoli, français, qui terminera dans l'industrie du pétrole, et Étienne d'Avignon, qui a toute une carrière à la fois dans la diplomatie belge et ensuite au sein de la Commission européenne, et c'est eux qui prennent l'initiative de contacter Per Gyllenhammar, qui est suédois, qui est le patron du groupe Volvo à l'époque, et qui va donc, à l'initiative de Davignon, mettre sur pied cette table ronde des industriels européens, qui aujourd'hui encore réunit une quarantaine de dirigeants des plus grands groupes. Qui sont les fondateurs de la table ronde des industriels européens ? François-Xavier Ortoli, ministre de l'économie et des finances en 1968, puis président de la Commission européenne en 1973. Il deviendra ensuite PDG de Total, président du Conseil national du patronat français et membre de la table ronde des industriels européens. Étienne d'Avignon, vice-président de la Commission européenne de 1981 à 1985, il occupera entre autres les postes de président de la Société générale de Belgique, président du groupe Bilderberg et membre de la table ronde des industriels européens. Per Gyllenhammar, président du groupe Volvo de 1970 à 1994, dans les années 80, à la demande d'Étienne d'Avignon et de François-Xavier Ortoli, il rassemblera une quarantaine de patrons de multinationales pour former la table ronde des industriels européens. Il en sera le président jusqu'en 1988. On donne aux milieux industriels et financiers les clés de l'Europe. Après, on met en place une commission, parce qu'il faut quand même un semblant de démocratie, qui est nommée par la Commission européenne avec soi-disant des experts indépendants. Lorsqu'on voit leurs profils, on se rend compte qu'ils ne le sont jamais et que certains siègent au même moment à la table ronde des industriels. On reprend en gros les principales propositions d'un rapport présenté comme un rapport de sage, et ensuite on adopte ces propositions. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est caricatural, que ça fonctionne ainsi depuis des dizaines d'années, et que, je ne m'en étonne plus, mais que les médias continuent à nous présenter l'Europe comme un projet politique, et lorsqu'il s'agit de parler des influences économiques, c'est uniquement en termes de lobby. Mais le terme de lobby, finalement, il est très très doux, et il est inadapté pour penser les relations entre les milieux économiques, entre les milieux d'affaires et les milieux politiques. À ce niveau-là, pouvoir, il ne s'agit pas de lobbying, mais d'endogamie. C'est un même monde, c'est le monde de l'entre-soi, quoi, l'entre-soi de la grande bourgeoisie d'affaires. Quand le business des armes met l'Union européenne sous influence, le samedi 24 septembre à 14h, Agir pour la paix vous invite à un lobby tour de l'armement en lien avec les politiques migratoires européennes. Nous ferons connaissance avec les grandes sociétés d'armement européens dont les bureaux sont installés à Bruxelles, au cœur même du quartier européen, et nous verrons quelles relations privilégiées elles entretiennent avec l'Union européenne. Nous nous intéresserons de près au lobbying de ces sociétés pas comme les autres envers ces institutions ainsi qu'à leur influence sur les politiques migratoires européennes. Quand le dangereux voyage des migrants vers Idoménie et Lampedusa se décide à Bruxelles. Je lis, micro ouvert, lis et téléphone. Et c'est parti. Merci Stéphanie. Tout autour du rond-point à Schuman et nous allons descendre ensuite vers le Parlement européen avec différents arrêts. Donc ça veut dire qu'on va se promener sur les trottoirs. Donc je vous demande, dans la mesure du possible, d'essayer de rester en groupe pour ne pas avoir des déplacements qui mettent un quart d'heure entre le point A et le point B parce qu'autrement, demain matin, on finira. Donc ça va, merci. Et autre chose, et c'est important pour tout le monde, n'hésitez pas à poser des questions. Vos questions sont les bienvenues, il n'y a pas de questions idiotes, certainement pas. Et je vous invite à les poser au fur et à mesure. Ne pas attendre la fin parce que vous ne vous souviendrez plus de vos questions. Donc je vous invite vraiment à le faire au fur et à mesure. Ça va ? Juste question timing, on a pas... 2h30, 3h ? Ça dépend aussi des questions-réponses, voilà, mais c'est dans cet ordre-là. Mais vous n'êtes pas prisonnier. Donc si vous devez à un moment donné partir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez quitter sans problème. Alors, donc ici, nous sommes, ma foi, au rond-point Schuman, hein. Rond-point, donc sur le rond-point Schuman, à côté. rond-point Schuman, c'est le point de départ logique du lobby tour. Un lobby tour qui va parler des lobbies de l'armement, puisque c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, et des liens avec les politiques migratoires européennes. Et vous allez voir que des liens, il y en a. Alors, le rond-point Schuman, c'est pas le rond-point qui m'intéresse vraiment en réalité, c'est plutôt ce qu'il y a aux alentours du rond-point. Et donc nous avons notamment ici un bâtiment qui va être intéressant pour nous, qui est celui de la Commission européenne. Alors la Commission européenne, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Enfin, je dirais, les gens qui travaillent là, qu'est-ce qu'ils font ? Juste en quelques mots, hein, j'ai pas besoin d'une définition universitaire, pardon ? Ils font les propositions de loi pour l'Europe. Ils font les propositions de loi pour l'Europe. Oui, pour l'Europe, c'est ça. En fait, ils font... C'est pas des lois au niveau européen, on appelle ça des directives. Juste, voilà, mais c'est l'équivalent, évidemment. Et ok, ça c'est une chose. Et puis quoi encore ? Ils surveillent la mise en œuvre du droit européen chez les États membres. Oui, d'accord, ok. Je suis d'accord avec vous. Et comment est-ce que ces gens arrivent à la Commission européenne ? Les gens qui travaillent à la Commission européenne, quoi, ils sont élus ? Ou bien... Des fonctionnaires qui font des concours ils participent à des appels à propositions, passent différentes étapes, entretiens, oui, concours... Pour les employés, mais je veux dire pour les commissaires européens. Ah, oui, pardon. Oui, je ne posais pas des questions aussi. Oui, proposées par les États membres, exactement. Oui. Alors, en résumant, la Commission européenne, c'est la gardienne des traités de l'Union européenne. Okay ? Première chose, elle est garante de l'intérêt général de l'Union européenne, pas de l'intérêt général des Européens. Hein, c'est deux choses différentes, de l'intérêt général de l'Union européenne. Il y a donc un commissaire par État membre. Et donc ils ne sont pas élus, effectivement, hein, ils sont nommés par les pays desquels ils viennent, qui sont désignés. Et donc, en principe, ces commissaires européens sont indépendants des États desquels ils viennent. C'est-à-dire, une fois qu'ils deviennent commissaires européens, ils sont censés oublier leur nationalité pour l'intérêt général de l'Union européenne. C'est beau. C'est très beau, je trouve aussi. Et donc, extrêmement important pour nous, et vous l'avez dit, c'est que la Commission européenne est la source de la, pas toute, mais de, en tout cas une majorité de la législation et des politiques de l'Union européenne. Alors maintenant, c'est plus totalement vrai parce qu'il y a un partage avec le Parlement européen sur certaines questions, mais ça reste quand même la Commission européenne qui a le leadership sur cette question-là. Okay ? Voilà, et donc elle est effectivement, le Berlaymont, bah, c'est un bâtiment que tout le monde connaît à Bruxelles parce qu'en plus de ça, il a une histoire de décontamination qui a été longue et difficile et extrêmement chère. Mais en dehors de ça, c'est la Commission européenne, n'est pas, les gens qui travaillent pour la Commission européenne ne travaillent pas que dans ce bâtiment-là, ils sont dans beaucoup de bâtiments ici dans Bruxelles en réalité. Ok. Premier bâtiment. Deuxième bâtiment, bah, c'est celui qui est en face en fait. On ne le voit pas de là où on est, enfin on ne le voit pas bien en tout cas. Celui qui est juste en face du Berlaymont, qui est qu'on appelle le Juste Lips, et dans lequel se réunit notamment le Conseil européen. Alors qu'est-ce que le Conseil européen ? Le rassemblement des chefs d'État des États membres. Ça dépend de quel type de conseil européen c'est. Effectivement, mais en l'occurrence, ceux qui sont les plus connus sont les sommets européens quand ils se passent à Bruxelles. Et je donne toujours cet exemple-là. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais le conseil européen, c'est pas le conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe, c'est encore tout à fait autre chose, qui ne se trouve pas du tout à Bruxelles et qui est une organisation internationale qui s'occupe des droits de l'homme, mais ça n'a rien à voir. Et donc, effectivement, le fait d'avoir une chose qui s'appelle Conseil de l'Europe et une autre qui s'appelle Conseil européen, ça prête beaucoup à confusion dans la tête des gens. Mais donc, effectivement, le Conseil européen, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, enfin, c'est ce dont on va parler aujourd'hui aussi, il nous intéressera. Et donc, effectivement, les chefs d'État, de gouvernement qui se réunissent lors des sommets européens et autres, hein, on est bien d'accord, mais se réunissent effectivement là-bas, vous savez, avec le tapis rouge, etc. Ok. Alors il y a un troisième bâtiment que nous ne voyons pas d'ici, mais qui n'est pas très très loin. Et là, c'est là où nous allons terminer le lobby tour tout à l'heure. C'est le Parlement européen, évidemment. Et donc, même question, que font les parlementaires européens ? Ils ont le pouvoir d'approuver les actes législatifs, enfin directives, règlements, etc. Proposé par la Commission européenne. Oui, en fait, ils partagent les pouvoirs d'approbation maintenant entre Conseil et Parlement. Et à peu près là. Ouais. C'est ça. Et ils ont même, enfin, les parlementaires européens, le Parlement européen a même un droit d'initiative, ouais. Pas complet, pas sur tout et pas n'importe comment, mais c'est limité. Mais en tout cas, il a maintenant aussi un droit d'initiative pour les nouvelles politiques européennes. Et oui. Et donc, du coup. Le bâtiment de la Commission, enfin le bâtiment, les gens qui travaillent dans la Commission européenne et les gens qui travaillent au Parlement européen, et là, c'est pas que les commissaires européens ou c'est pas que les parlementaires européens, mais ces gens sont une très bonne cible pour les lobbyistes. Hein. On va parler des lobbyistes, on va expliquer ce que c'est dans quelques secondes, mais c'est évidemment une cible parfaite pour les lobbyistes. Alors donc, les parlementaires européens, évidemment, vous avez compris, hein, ils sont élus, c'est ceux pour qui on vote quand il y a des élections européennes. Hein. Ça va jusque-là ? Juste pour... Ok. Alors, donc, il y a entre 15 000 et 30 000 lobbyistes ici à Bruxelles. 15 000 et 30 000, après, quand je vous dis ce chiffre-là, c'est à peu près comme si je vous disais rien, parce que c'est tellement du simple au double que c'est pas une fourchette extrêmement précise, j'en conviens. Et pourquoi est-ce que c'est si flou, en fait, sur la réalité des chiffres ? Est-ce que vous avez une idée ? Enfin, une sorte de registre ou... Oui, exactement. En fait, il n'y a aucun registre officiel dans lequel les lobbyistes seraient censés s'inscrire obligatoirement. Il existe effectivement un registre de transparence, j'en vous l'expliquerai au fur et à mesure de l'avancement du lobby tour, donc un endroit où effectivement les sociétés peuvent déclarer les frais de lobbying qu'elles font ici à Bruxelles auprès des institutions européennes et combien de personnes sont concernées dans leur chef pour le faire, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, oui. Tu peux définir le lobby, qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, justement, on va y venir. C'était ma question suivante pour vous, en fait. Hein, parce que moi, je pose les questions, vous faites les réponses. Donc, qu'est-ce que c'est que le lobbying ? Comment est-ce que vous expliqueriez à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Vous deviez l'expliquer à un enfant, qu'est-ce que vous lui diriez ? Ambiance de la rue. Essaye d'influencer les lois par rapport à leurs intérêts. Aux intérêts de l'argent, quoi. Oui. Aux intérêts des personnes, enfin des industries, des secteurs qu'ils représentent. Oui, effectivement, c'est très ça. Alors, je vais vous le dire. Légal ou illégal, légale, claire, pas claire, transparente, pas transparente. Ouais, il y a beaucoup d'options possibles, hein, effectivement. Alors, je vais lire la phrase que moi j'utilise, mais qui reprend effectivement ce que vous avez dit, simplement pour avoir quelque chose de global. Ça donne quelque chose comme « structure organisée pour représenter et défendre les intérêts d'un groupe particulier en exerçant des pressions ou influences sur des personnes ou sur des institutions détentrices de pouvoir. » D'accord ? Pardon ? Comment ça ? Et pour un enfant, alors ? Pas ça. Mais par contre, on parle effectivement d'influence, de pression. On parle de personnes, mais c'est souvent plutôt des structures. Ouais, c'est rarement une personne qui le fait pour elle-même. C'est des structures organisées, très bien organisées. Enfin voilà, ce sont des mots-clés que j'attendais. C'était plutôt de cet ordre-là. Alors comment est-ce qu'on pratique le lobbying ? Ben, en influençant directement ou indirectement l'élaboration, l'application, l'interprétation des lois, directives, etc., des pouvoirs publics. Donc ça ne s'adresse pas évidemment qu'au niveau des institutions européennes. Hein. Ça se fait, en fait, là où il y a du pouvoir, il y a du lobbying. Hein. Là où il y a des gens ou des institutions qui détiennent du pouvoir, il y a du lobbying. Ça se fait, je dirais bien, depuis la nuit des temps. Et voilà, c'est normal en soi. On essaye effectivement voilà, d'influencer le pouvoir pour qu'il soit de votre côté. Voilà. C'est pas en soi inhabituel et c'est pas une activité interdite le lobbying hein, non plus. C'est quelque chose de normal en soi. Après, le problème c'est qu'il n'est pas régulé et ça c'est un peu problématique. Alors, oui. La quantité des lobbyistes. Oui. Vous avez une idée à titre comparatif du nombre de lobbyistes qui sont estimés à Washington par exemple ? C'est ce que j'allais vous dire. En fait, c'est la deuxième ville où il y a le plus de lobbyistes au monde, et donc ça veut dire Washington, c'est plus important au niveau du nombre. Mais c'est Bruxelles, c'est Washington d'abord et Bruxelles juste après. Donc, ouais, tout à fait. Ouais. Au niveau de la façon dont le lobbying s'exerce ici sur les institutions européennes, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas de la même façon aux États-Unis. Ici, je vais vous expliquer au fur et à mesure que ces lobbyings sont intégrés dans les structures de décision, notamment de la Commission européenne, et je vais vous expliquer comment pas à pas. Tandis qu'au niveau des États-Unis, c'est de l'influence des partis politiques. Je veux dire, on va voir les mandataires politiques et voilà, on fait du lobbying classique, je veux dire. Des conférences, des restaurants, des voyages à l'autre bout du monde, enfin voilà, des promesses, oui mais je garde mes emplois aux États-Unis et si vous votez pas tel amendement, moi je veux absolument partir ailleurs parce que c'est plus très intéressant pour moi et j'irai fabriquer mes vêtements en Chine, enfin voilà, c'est cet ordre-là, c'est du lobbying classique. Et ça, il y en a ici à Bruxelles, évidemment, mais il y a aussi une autre forme de lobbying, une autre façon d'exercer le lobbying, je vous expliquerai au fur et à mesure que l'on va avancer. Bon, alors on va aussi parler d'armement. Alors en matière d'armement, je pourrais vous faire un cours de 20 heures, mais ce n'est pas la question. On va parler d'armement conventionnel. Ça, c'est important. Donc on va évidemment pas parler ici de l'armement interdit. C'est-à-dire les armes bactériologiques, chimiques, les armes à sous-munitions, ce genre de choses, ça, c'est pas ce dont on va parler ici. On parle d'armement autorisé par les traités internationaux, en fait, au final. Alors, quand on parle d'armes, je vais utiliser plusieurs expressions différentes. Je vais parler d'armement, je vais parler d'entreprises qui fabriquent du matériel de sécurité et de défense. Ce n'est pas que des armes au sens où on les imagine avec des mitraillettes, des revolvers et des munitions qui vont avec. C'est tout ce qui est, c'est ça bien sûr, mais c'est aussi tout ce qui est radar, drone, système de contrôle, tout ce qui peut servir aux questions de sécurité et de défense. D'accord ? Pour que les choses soient tout à fait claires. Voilà, je pense qu'on commence à faire un petit peu le tour des choses. Et oui, le reste je vais vous le dire au fur et à mesure. Alors je vous propose que l'on commence à bouger un peu et on va s'arrêter devant, on va traverser la route, il n'y a plus de feu rouge, donc il faut couper la route aux voitures et on va s'arrêter devant le 11 Schumann là, juste en face. Ah oui, c'est ça. C'est bien ça, bien. Bonne remarque, hein. toutes les lobbyteurs, mais c'est pas parce qu'on n'aime pas. C'est parce qu'il y a la conférence Bravo et on veut l'entendre aussi, d'accord? Il y a la conférence de quoi, tu dis? C'est d'une organisation de femmes qui l'aura appris au Bravo à 4 heures. Ah, ok. Donc on veut l'entendre aussi. Dans les cadres du festival de la paix. Le Caire. Vas-y, avance, je te passe un petit souvenir. Quoi, tu fais ça depuis longtemps? Quelques années, ouais. Oui, quelques années quand même. Mais c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Hein. C'est quelque chose qui se fait sur base régulière à peu près une fois par mois, la moitié de l'année. Parce que l'autre moitié de l'année, il fait trop mauvais. Et que c'est très difficile de geler sur place pendant 3 heures, c'est pas très agréable. Donc on s'adapte en fonction du temps. Et puis des événements aussi, il y a parfois des sommets européens qui sont très importants. Pour ces questions-là, d'armement ou de migration, ou Israël, puisque je le donne aussi là-dessus. Et donc ça a du sens de le faire à ce moment-là. Alors ici, ça va être notre premier arrêt, hein, en dehors de Schumann, du rond-point Schumann. Donc nous sommes devant le 11 Schumann. Dans le bâtiment qui est juste derrière moi, il y a plein de bureaux qui sont loués par plein d'entreprises différentes. Et une de ces entreprises s'appelle la MBDA. Alors la MBDA, pardon, MBDA. Oui, alors... C'est assez amusant parce que quand vous tapez MBDA dans Google, vous allez tomber rapidement sur leur site internet. C'est très facile à trouver. Mais par contre, il n'y a pas de définition de l'acronyme. Ça s'appelle MBDA, mais je n'ai pas trouvé la définition de l'acronyme, effectivement. C'est étonnant parce qu'en général, c'est très bien marqué. Mais... Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être beaucoup de choses. Attends de savoir ce que c'est d'abord. Alors en fait, la MBDA, c'est rien de moins que le leader européen en fabrication de missiles en Europe et le numéro 2 mondial en la matière. C'est le premier fabricant européen de missiles, d'accord? Donc le premier dans le sens où, pas le premier arrivé, mais dans le sens où c'est le plus important. Et c'est le numéro 2 mondial en matière de fabrication de missiles, d'accord? C'est pas un petit joueur, quoi, c'est ça que je veux dire par là. Et donc oui, les bureaux devant lesquels on s'arrête, soyons clairs, vous avez compris, mais je vais quand même le préciser, on ne fabrique pas de missiles hein, là-dedans. Ce sont des représentations de ces sociétés au niveau des institutions européennes. Évidemment, c'est pas pour rien qu'elles sont à quelques mètres de là où les choses se passent. Mais donc ce sont des bureaux officiels à Bruxelles, mais évidemment c'est pas là-dedans que les décisions se prennent non plus en général. Hein. Donc le chiffre d'affaires de cette société, c'est pour 2015, on est à 2,9 milliards de dollars. Et elle emploie environ 10 000 employés dans le monde, bref. Et donc elle a été créée en 2001 après la fusion des principaux producteurs de missiles européens qui étaient français, italiens, anglais et allemands. Alors oui, évidemment, je ne l'ai pas précisé non plus, mais bien sûr, on sait que la Grande-Bretagne est censée quitter l'Union européenne. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas techniquement. Donc, pour moi, elle fait toujours partie de l'Union européenne parce qu'en ce moment, les choses se passent toujours comme ça. Je veux dire, elle est toujours liée par ces traités, etc., qu'elle a signés. Donc, pour le moment, c'est toujours le cas. Il s'agit d'un consortium d'entreprises d'État où il y a même des acteurs privés. C'était déjà plus des entreprises d'État. C'est une entreprise privée. Hein, on est d'accord, c'est une entreprise privée. Alors, toutes ces entreprises... Toutes ces grandes entreprises de fabrication d'armement, effectivement, ont eu au moins à un moment dans leur histoire une très importante partie de leurs actions, de leurs décideurs, qui étaient effectivement de l'intérêt des États nationaux, vraiment de l'intérêt des États dans lesquels ils étaient créés. C'est encore vrai pour certains. Évidemment, la Belgique avec la FNRSTAL, chez nous, c'est quand même très particulier, mais ce cas-là est vraiment très exceptionnel parce que des fabrications d'armement qui sont aussi autant aux mains de l'État, c'est-à-dire à 100% chez nous, pour la FNR-STAL, ça n'existe plus. C'est vraiment un exemple très à part. Mais les États nationaux gardent en général quand même un certain pourcentage de décisions, d'actions à l'intérieur de ces sociétés. Donc elles n'étaient déjà, ces sociétés n'étaient déjà plus des sociétés d'État quand elles ont fusionné. Et donc c'est pour ça qu'elles ont fusionné. Hein. C'est parce que effectivement les intérêts privés, voilà. Et à un moment donné, et ce sont toutes des entreprises qui ont ce genre d'histoire où c'est très complexe de retracer d'où elles viennent. Parce qu'elles sont toutes issues de fusions, de partenariats, de noms qui changent aussi, et à chaque fois, à chaque étape. Et donc il y a un moment donné où quand on remonte dans le temps, on perd un peu leurs traces et ça devient difficile de refaire un historique complet. Et donc c'était déjà plus des entreprises d'État, mais par contre des entreprises où les États que j'ai cités ont encore leur carte à jouer dedans. Donc la MBDA a trois actionnaires qui sont Airbus Group, BAE Systems et Finmeccanica. Alors Airbus Group s'appelait avant EADS il n'y a pas si longtemps, et donc je le dis parce que c'est encore repris comme ça dans un certain nombre d'articles, par exemple si vous lisez des choses sur internet, donc voilà. Alors Airbus Group n'est plus aux mains de l'État français, soyons clairs, même si Airbus ça fait tout de suite français. Là donc c'est clair. Par contre BAE Systems, l'État anglais est encore très fortement impliqué dedans, et Finmeccanica c'est l'État italien qui est aussi très fort impliqué dans Finmeccanica. Et donc au final vous avez une étape en plus, c'est pas directement mais indirectement ces États sont quand même toujours bien dedans. Donc la MBDA, alors moi, ça m'avait beaucoup surpris quand j'ai commencé à donner le lobby tour et quand j'ai commencé à apprendre ce genre de choses. C'est « Ah bon ?» Donc, il y a quand même des entreprises. Il y a une entreprise qui fabrique des missiles et qui les vend. C'est normal. On fabrique des missiles et on les vend. Moi, ça m'avait beaucoup choquée, en fait, vraiment. Autant je savais qu'on vendait des armes, des mitraillettes, autant les missiles, c'était quand même quelque chose qui me dépassait déjà, franchement. Mais effectivement, ils en vendent. C'est une société commerciale. Alors, le plus rigolo, c'est quand vous allez voir leur site internet, vous allez il y a différents onglets, et vous allez aller sur l'onglet qui s'appelle « Responsabilité sociale et d'entreprise ». Alors ça, c'est fabuleux. Alors, je les cite parce que je ne peux pas faire mieux. « L'entreprise se doit de se comporter de façon éthique, et ce, à travers nos actions, opérations, produits et services. » Nous intégrons des soucis environnementaux et sociaux dans notre stratégie et dans nos transactions d'affaires. Sociaux et environnementaux. Alors, je ne sais pas comment, hein, j'avoue, je ne sais pas, mais il faut qu'on m'explique comment ils ont réussi à créer des missiles verts et éthiques à la fois. C'est quand même assez particulier. Alors, toujours dans le même onglet, un peu plus loin, vous avez conformité à l'éthique. Ça aussi, elles ont toutes, hein, c'est magnifique. Ça dit... Notre réputation est basée sur l'intégrité et le respect des lois et régulations. Bon. Beaucoup de nos activités ne sont pas régies par des lois ou régulées. Et dans ce cas, c'est le principe d'intégrité qui doit gouverner notre conduite. C'est notre responsabilité personnelle d'appliquer ces principes en permanence. Et ce sont les mots qui sont attribués au CEO de la MBDA. Et donc, effectivement, c'est une des caractéristiques. Je ne vais pas vous faire le coup à chacune des entreprises devant lesquelles on va s'arrêter, mais c'est vraiment caractéristique de ce que vous lirez sur leur site internet. Hein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand il dit, effectivement, on respecte les lois et les régulations, mais on est très peu régulé. Et ça, il le dit lui-même. Et c'est la réalité. Ils sont très peu régulés. Et une des grosses activités, des intenses activités des lobbying ici à Bruxelles, et pas seulement de l'armement, mais du lobbying de façon générale, c'est de faire en sorte qu'on les régule le moins possible. Et qu'à chaque fois qu'il y a une étincelle qui jaillit à la Commission européenne, quelque part, disant « il faudrait peut-être essayer de », c'est surtout bien poussé. « Non, vous ne donnez pas cette peine, vous avez autre chose à faire, on va s'en occuper nous-mêmes. Hein. » C'est ça, c'est comme ça que les choses se passent. Hein. Ok. Alors, la MBDA déclare dans un registre de transparence, bon, tout à l'heure je vous ai dit, il n'y a pas effectivement de registre officiel obligatoire dans lesquels les lobbyistes ou les compagnies qui utilisent des personnes qui font du lobbying doivent se déclarer. C'est vrai, mais il y a un registre quand même de transparence, mais qui n'est pas obligatoire. Donc il n'est pas contrôlé non plus. Donc les entreprises, ce sont des entreprises, hein, ce n'est pas les gens qui vont se déclarer eux-mêmes lobbyistes, hein, ce sont vraiment des entreprises. Vous pouvez taper, vous avez un moteur de recherche, vous allez taper registre de transparence sur Google, vous allez tomber là-dessus sans problème. C'est public. Oui. Il y a aussi l'ONG. Dans les... Oui, bien sûr. Parce que les lobbying, ce n'est pas juste les intérêts privés. Dans la question des lobbying ici à Bruxelles, il est compté à peu près 70% d'intérêts privés, 20% d'organisations internationales, au sens très large, et 10% de sociétés civiles telles qu'on l'entend, y compris les églises, les toutes petites ONG, enfin voilà ce genre de choses. Donc la société civile est en fait très, très peu représentée hein, au niveau du lobbying. Mais ce n'est pas que, effectivement, les intérêts privés. Effectivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le lobbying, ce n'est pas une activité interdite. Hein. Ce n'est pas en soi un problème. C'est tout à fait normal de faire du lobbying. Après, les moyens utilisés ne sont pas les mêmes. Et la place qu'on leur laisse, pas les mêmes non plus. Donc il y a ce registre de transparence qui est effectivement maintenant de plus en plus utilisé par les entreprises parce que quand même elles comprennent que ne pas y être, ne rien déclarer dedans, ça fait quand même louche au final, mais ça fait quand même des années que ce système existe et donc ça vient vraiment petit à petit. Et toutes les entreprises dans lesquelles nous allons nous arrêter, vous pouvez taper leur nom, elles sont dedans. Donc, elles ont rempli et elles doivent mettre à jour une fois par an les informations qui sont dedans, au moins une fois par an. Et donc, par exemple, pour la MBDA, ils déclarent une seule personne accréditée au Parlement européen à trois quarts du temps. Donc, une seule personne à trois quarts du temps. Je vous rappelle que c'est le numéro 2 mondial en matière de missiles et le numéro 1 européen. Et ils déclarent entre 50 000 et 100 000 euros de lobbying par an. Vous n'aurez jamais un chiffre exact. C'est une fourchette. Ce sont des fourchettes et on est entre eux et entre. C'est toujours comme ça. Entre 50 000 et 100 000 euros par an. Et le numéro 1 est toujours présent à Bruxelles ? Non. Bien à Bruxelles, mais non. Ce sont pas des bureaux dans lesquels les choses se décident. Hein. Ce sont pas leurs sièges sociaux ne sont non, pas ici. Je voulais dire, cette société, c'est la numéro 2 au niveau mondial. Au niveau mondial. Oui. Donc la numéro 1 mondiale, elle fait aussi du lobbying à Bruxelles. Oui, mais c'est une société américaine. Oui, et donc du coup, c'est pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont leur bureau à Bruxelles. La plus grosse fabrique, la plus grosse société d'armement au monde est américaine. C'est Lockheed Martin. Hein? Et ils n'ont pas des bureaux à Bruxelles officiellement. Maintenant, je suis persuadée qu'ils sont à Bruxelles. Enfin, je veux dire, je suis persuadée qu'ils viennent à Bruxelles. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Tout simplement parce qu'ils commercent avec les pays de l'Union européenne et ils commercent avec la Belgique, hein, nos F-16, ce sont des Lockheed Martin. Hein. Si la Belgique décide de remplacer ses F-16 vieillissants, soi-disant, par des nouveaux F-35, c'est toujours Lockheed Martin. Et donc, c'est tout à fait autre chose, mais lorsque ça se discute à la commission défense du Parlement belge, savoir cette histoire d'avion, lorsque ça se discute, les représentants de Lockheed Martin sont là, hein. Ils sont sur les bancs du public hein, et ils se sont trompés même il y a un an. Ils se sont trompés, ils se sont assis sur les bancs des parlementaires. Et c'était parfait, quoi. C'était juste parfait parce que ça voulait tout dire, quoi. C'était magnifique, je trouve, magnifique. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que voilà. C'est... Évidemment, ici, moi, je m'intéresse aux sociétés européennes, en l'occurrence. Mais oui, nous ne faisons pas d'illusions. Hein. On passe à la suivante. On tourne ici à gauche. Donc tu connais le quartier européen comme ta poche, quoi. Ah non, je connais partiellement le quartier européen. Ouais, ouais. C'est pas vraiment un endroit où on se promène tous les jours. Voilà, il n'y a pas une vie populaire extrêmement intéressante par ici. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a... Il y a des gens quand même qui habitent ici. Oui, il y a des gens qui habitent ici. Mais il y a 20 ans, oui, 20-25 ans, c'était... Le quartier européen, en tout cas quand on était à Schuman, le quartier qu'on avait devant nous, qu'on avait en face de nous était en fait un quartier populaire et qui a été détruit. Qui a été, les gens ont été expropriés et on a détruit tout ce quartier où il y avait une vraie vie, je veux dire, avec des commerces, avec des gens qui sortaient le soir, etc. Ici, le soir, il n'y a plus rien. Et on a détruit tout ça pour, bah voilà, pour en faire les bâtiments qu'on a vus tout à l'heure. On s'arrête ici. Parce que ça, évidemment, beaucoup de gens, évidemment, les plus jeunes ne savent pas, mais c'est la réalité. On a détruit un quartier populaire de Bruxelles pour en faire ça, quoi. On le fait un peu partout aussi, dans les villes, hein. C'est dingue. Oui, c'est pas que Bruxelles. Oui, oui. Alors, ici... De nouveau, c'est un des bâtiments, un des bureaux dans ce bâtiment qui nous intéresse. Alors ici, par contre, c'est plus simple parce que vous avez les noms sur les boîtes aux lettres. Vous savez lequel nous intéresse ? Pardon ? Thalès ? Ouais, Thalès. Vous savez ce que c'est que Thalès ? Ça parle pas de géométrie, je pense. De ? Ça parle pas de géométrie, non, je pense. C'est un vers Paris ? Thalès. Le train vers Paris ? Ça aurait pu. Oui, le lien est français, alors on va dire. Thalès est une société qui est en partie française, mais uniquement en partie. Ça n'appartient pas à l'État français. Donc Thalès naît de la privatisation partielle de l'industrie de l'armement en France. Mais bon, effectivement, elle est restée largement française. L'État français détient encore 27% des parts dans Thalès. Et le reste est privé, avec une partie quand même pour Dassault Aviation notamment. Et le reste, je ne détaille pas, mais enfin voilà. Donc voilà, vous avez une petite idée. Alors Thalès s'appuie énormément sur le marché européen et est vraiment extrêmement active sur les questions... d'armement, enfin de commerce des armes ici à Bruxelles. Ils font beaucoup de lobbying sur la question. Ils déclarent un montant pour le lobbying au niveau de l'Union européenne qui est de 450 000 euros. Et alors ils déclarent un montant pour le lobbying aux États-Unis aussi, parce que les Américains ont aussi un registre. Je ne sais pas comment ils l'appellent, mais c'est l'équivalent du registre de transparence. Et donc aux États-Unis, ils déclarent 360 000 dollars. Donc effectivement, c'est assez logique, ils déclarent moins de lobbying aux États-Unis qu'au niveau européen, tout simplement parce que leur cible, elle est principalement européenne. Ça se tient. Alors si vous allez voir sur le site internet de la société Thalès, vous verrez qu'ils ne fabriquent pas que des armes. Enfin, ou du matériel sécurité et défense. Ils fabriquent aussi autre chose, et notamment, alors c'était très précis, il y avait du matériel qui sert dans les constructions des métros, enfin rien à voir vraiment. Donc ce n'est pas une société qui ne fabrique que ça. Mais elle a au moins 50% de ses activités qui sont de la fabrication du matériel sécurité et défense. Hein. Alors, elle a un revenu estimé à presque 13 milliards d'euros. Donc c'est une société qui fonctionne bien, avec 68 000 employés dans le monde. Et donc c'est le 11e producteur d'armes au monde. Donc c'est pas parce que c'est une société européenne qu'on ne peut pas être très haut quand même dans le ranking des producteurs d'armes. Hein. Il avait l'air d'avoir moins de chiffre d'affaires, mais plus d'employés que la précédente société. Oui, tout à fait. Ça dépend de ce qu'ils fabriquent, hein. Ça, en l'occurrence, ça dépend. Ça, c'est vraiment. Quand je vous donne ça, c'est vraiment une estimation. Enfin, c'est leur chiffre à eux, d'abord, c'est pas les miens. Mais j'ai pas de raison de penser que ce soit pas juste. Parce que sur ceux-là, ils ont pas de raison de tricher. Donc voilà. Et ça donne juste une estimation. Mais effectivement, en fonction de ce qu'on fabrique, j'imagine qu'on n'a pas besoin d'exactement du même nombre de personnes. Donc simplement, ça se justifie, quoi. Puis je vois pas pourquoi on tricherait sur le nombre de personnes qu'on emploie. A priori, on peut tricher sur beaucoup de choses et pouvoir l'expliquer. Mais là, je ne vois pas trop l'idée. Alors, ce qui nous intéresse ici, je vais vous donner un exemple d'un contrat qui a un effet sur les migrants, qui a même un effet direct, je veux dire, sur les migrants. Je vais le faire à chaque fois qu'on va s'arrêter et qu'on va parler d'une de ces entreprises. Je ne vais pas vous citer la longue, très longue liste des contrats qui existent entre ces sociétés et par exemple l'Union européenne sur les questions de migration, tout simplement parce que c'est fastidieux et que c'est pas très intéressant en soi. Et ces infos là, vous pouvez les trouver sur internet, voilà, en cherchant un peu, ça se trouve. Mais celle-ci est parlante, je trouve. Alors début 2012, Thalès et une autre société espagnole, cette fois qui s'appelle Aerovision, ont présenté en partenariat, et ça c'est un truc qui est effectivement très très courant hein, sur la question, il y a très souvent des partenariats entre sociétés parce que ils produisent du matériel ou des projets qui coûtent extrêmement cher tout simplement, et donc bah, pour pouvoir les financer, et puis c'est plus logique d'aller chercher un partenaire qui a déjà une technologie intéressante que de devoir la produire soi-même. Donc ça s'explique tout à fait. Donc Thales Aerovision présente leur nouveau système de surveillance des frontières côtières et maritimes. Et donc c'est un drone, parce qu'évidemment les drones c'est très à la mode. Hein. En matière de fabrication matériel, sécurité et défense, c'est quand même pour le moment, je dirais bien, ce qui se fabrique le plus et ce qui se vend le mieux. Donc un drone de surveillance et d'identification maritime qui s'appelle Fulmar. Et il a été testé pour la première fois lors d'une démonstration en vol organisée par Frontex. Vous voyez ce que c'est que Frontex ? Bon, Frontex c'est quoi ? Dites-moi, en quelques mots. C'est l'agence qui s'occupe des contrôles des frontières. Ouais, c'est une agence exécutive qui est à Varsovie, je crois. Ouais. Ils n'ont pas de bureau à Bruxelles, eux, pas du tout. Les migrations qu'ils ont ouvert un siège de Frontex, aussi en Sicile, en Catalogne. Mais à Bruxelles, vous ne trouverez pas, par exemple, du bureau officiel, de représentation officielle de Frontex. Et ça, c'est quand même étonnant, parce que les institutions européennes sont quand même en grosse partie à Bruxelles. Pas que, mais quand même en grosse partie. Et il n'y a rien du tout, vous ne trouverez rien. Quoi. Il faut vraiment aller... Et les journalistes qui s'intéressent à Frontex et qui obtiennent par miracle un rendez-vous, ils ont leur rendez-vous en Pologne. Ils n'ont jamais leur rendez-vous ailleurs. Donc Frontex est bien une agence européenne, c'est pas un truc privé, l'agence européenne de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Alors Frontex n'est pas censé, Frontex est censé coordonner en réalité, c'est censé faire de la coordination de la gestion des frontières, c'est pour ça qu'on appelle ça gestion. Hein. C'est pas normalement Frontex qui est chargé de s'occuper des frontières extérieures, ce sont les pays qui appartiennent ces frontières extérieures. Bon, alors on a vu ce que ça a donné, est-ce qu'on voit toujours ce que ça donne comme complication depuis un certain temps, mais depuis 2 ou 3 ans de façon beaucoup plus marquée. On a vu les difficultés qu'a eu notamment l'Italie pour gérer financièrement sa gestion des frontières extérieures et, pour le dire simplement, son arrivée massive de migrants sur ses côtes. Ça coûtait extrêmement cher à l'État italien de gérer ceci. Ça lui coûtait plus de 6 millions d'euros par mois. Et à un moment donné, en 2014, l'État italien a fait plusieurs signaux d'alarme en disant « Oh, oh, on ne peut plus payer ». Tout simplement, on peut plus payer, on a besoin d'aide de l'Europe, c'est pas normal qu'on soit les seuls à devoir payer pour ça. Quand tu dis on peut plus payer, On peut plus payer pour aller rechercher les migrants qui s'échouent près de nos côtes, ni même ceux qui arrivent et qui s'échouent pas, enfin je veux dire, qui arrivent vraiment jusque là, il y a deux choses. Il y a les opérations de sauvetage que l'État italien faisait. Alors, avec des ratés, avec toute l'imperfection que c'était, mais en tout cas, il le faisait. Et il le disait comme tel. On fait du sauvetage, on va rechercher les gens quand on sait qu'ils sont à des endroits où... Voilà. Et en même temps, il y avait ceux qui n'allaient pas rechercher, mais qui arrivaient directement sur les côtes. Et après, il faut gérer. Ouais. Quoi. On les garde chez nous. Il y a des procédures. C'est pas si facile que ça. Il y a des procédures légales. Et donc, ils étaient totalement submergés par le coût. Et c'était pas possible. Et donc, ils ont appelé à l'aide plusieurs fois. Donc, plusieurs sommets européens, ça a été discuté. Il n'y avait jamais de conclusion. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et en fin 2014, l'Italie a décidé que c'était fini. Et qu'elle n'assumait plus cette obligation-là. Et donc, c'est à ce moment-là que l'Union européenne a dû prendre ses responsabilités et dire « Wow, ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, il y a eu plusieurs initiatives maladroites et malheureuses et vraiment pas bonnes, mais qui étaient censées prendre le relais de ce que faisait l'Italie près de ses côtes. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la définition que l'Union européenne a donnée à ces initiatives-là, il n'était plus question de sauvetage des migrants. Il était question de, sécuriser les frontières, essayer de faire en sorte qu'ils n'arrivent pas, ce qui est en gros ce que ça voulait dire, mais il n'était plus question de mettre une priorité pour aller sauver la vie des gens. C'était... Parce que sécuriser les frontières, c'est drôlement dit, hein. c'est comme ça. C'est genre, on s'en fout des migrants. C'est oui, mais c'est rigolo. Alors, avec toutes les subtilités qu'on peut mettre, toutes les nuances qu'on peut mettre dans ce genre de mots, qui sont bien choisis quand ils sont choisis dans les communiqués officiels, c'est que notamment, les pays ne peuvent pas faire du pushback, donc ils ne peuvent pas refouler les migrants, c'est le droit international qui le prévoit, donc il n'est pas question, je veux dire, quand on dit sécuriser les frontières, effectivement, ça suppose, ok, et on fait quoi? Non, mais surtout quand tu as une frontière maritime. Oui. C'est difficile, ouais. Oui, tu peux les faire... Et c'est de celle-là qu'on parle. En l'occurrence, quand on parle des frontières extérieures, c'est bien de celle-là qu'on parle. Oui, tout à fait. En eau internationale, est-ce qu'on peut légalement dire non, vous passez pas? C'est ce que les bateaux Frontex ont fait plusieurs fois. C'est en restant en eau internationale, ils ont effectivement, vraiment à la limite, ils ont effectivement repoussé plusieurs fois, notamment vers la Libye, si mes souvenirs sont bons. C'est arrivé plusieurs fois. La différence principale entre les mandats du Mare Nostrum et la de Triton, c'est que Triton n'a pas la proactive SAR. So search and rescue operations are not proactive, but that just when the boat is in distress, they can do it. Traduction, quelqu'un? que tu ne peux pas aller chercher des bateaux qui sont en difficulté, en détresse, mais ce n'est pas proactif, c'est seulement en urgence. Et donc ça laisse évidemment beaucoup de marge à l'interprétation par rapport aux gens qui font ce travail. Ça laisse évidemment beaucoup de marge à l'interprétation. Hein. Donc du coup, on peut assez facilement manipuler ce que ça veut dire des deux côtés d'ailleurs. Hein. C'est assez, Bon, tout ça pour dire que Thales et Aerovision donc, ont présenté à la demande de Frontex leur nouveau drone de surveillance des frontières côtières et maritimes. Et donc, Thales s'est arrangé pour faire publier un certain nombre d'articles assez élogieux sur ce drone, une merveille de technologie, non pas dans le journal Le Soir ou La Libre, dans les journaux nationaux habituels, mais plutôt dans des quotidiens spécialisés sur les questions de sécurité et de défense, évidemment. Hein, c'est pas, et donc, ça disait, je cite, hein, « La surveillance et le contrôle des frontières sont essentiels pour garantir la sécurité intérieure d'une nation. Avec l'accroissement des risques et des menaces, entre parenthèses, immigration clandestine, trafic de drogue, menaces terroristes, etc., les gouvernements réclament un plus haut niveau de sécurité pour leurs frontières, d'où la nécessité de collecter toute l'information nécessaire, etc. etc. » Et donc c'est intéressant parce que effectivement Thales fait directement le lien avec l'accroissement des risques et des menaces, dont dedans évidemment le terrorisme tout ça, mais l'immigration clandestine. Et encore une fois, si je vous cite celle-ci, c'est parce que vous allez retrouver ça partout dans la communication officielle de l'Union européenne sur la question des migrants. Depuis quelques années maintenant, vous n'allez plus trouver une communication qui parle de sécurité des frontières de l'Union européenne sans parler des nouvelles menaces. Et dans les nouvelles menaces, vous allez systématiquement retrouver l'immigration clandestine. Avant, c'était un langage qui n'existait pas. C'était pas défini comme ça. C'était pas considéré comme une menace. Problème n'est pas une menace. Exactement. Maintenant, ça fait au même titre que le terrorisme, que la piraterie, que le trafic de drogue. Par contre, je me demandais. Je serais curieux de savoir s'il y a déjà eu des terroristes qui ont attaqué en Europe, qui étaient venus justement par bateau, qui est quand même le moyen le plus dangereux et le moins efficace pour venir dans un pays. Ils sont arrivés pas par la Libye, ils sont partis de Libye, je sais plus, mais ils arrivent pas en Europe directement. Ils font plusieurs pays avant d'arriver là où ils doivent arriver. Hein. Des cas terroristes qui sont venus. Qui sont venus justement par les filières longues et pas par avion. Dans le sud de Paris, il y en a deux ou trois. Ça a été attesté finalement. Oui, oui. C'est ce que j'ai lu. Il y avait des doutes, il me semble. Oui, non, mais apparemment, ils ont retrouvé leurs traces et ils ont pu retracer par quel pays exactement ils étaient passés. Au moins pour deux ou trois d'entre eux. Mais... Oui, voilà. Après. C'était pour savoir. C'est ce qui était communiqué. C'est ce qui était communiqué, mais je ne suis pas sûre que ça a été finalement attesté. Mais voilà. Donc voilà pardon. C'est seulement que quand on écoute Europol lui-même, ils disent que le lien entre l'immigration à l'Union européenne et le terrorisme, c'est moins que 1%. Mais c'est Europol même qui dit ça. C'est des représentants d'Europol qui ont vu des entretiens au Parlement européen. Ils ont dit que le lien entre l'immigration et le terrorisme, c'est moins que 0%, en fait. Je ne me rappelle pas si c'est 0,5 ou 0,05, mais c'est... C'est insignifiant, pratiquement, effectivement. Ouais. OK ? On continue ?